Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le cinéma, c'est comme le sexe. Quand c'est bien, c'est génial. Et quand c'est pas bien, ben c'est pas mal quand même. Cette semaine, Hollywood. Le passage à Hollywood fait partie de ce dépassement du théâtre pour avoir notamment des décors naturels. Au théâtre, vous avez une toile peinte. Des débuts à la suite. Le cinéma hollywoodien est devenu très fort. Et une des raisons de la domination du cinéma américain dans le monde, c'est la force de son réseau de distribution. Quelques personnages oubliés. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Les vainqueurs étaient ceux qui ont écrit l'histoire du cinéma dans les années 40. Heureusement, les choses ont changé. Nous retrouvons aujourd'hui Marc Vernet, auteur de l'ouvrage intitulé « Ainsi naquit Hollywood », ouvrage paru chez Armand Collin, sous-titre du livre « Avant l'âge d'or, les ambitions de la Triangle et des premiers studios ». Alors cette histoire est une histoire que moi je trouve absolument passionnante puisque c'est une tentative menée par trois financiers new-yorkais de monter une maison de distribution qui serait spécialisée dans les longs métrages, ce qui est à l'époque un peu une nouveauté. C'est pas une totale nouveauté, on est déjà dans la tendance vers le long métrage qui a déjà 2 ou 3 ans d'âge en quelque sorte. Pour une raison assez simple, c'est que comme il y a un très fort engouement du public, il y a une énorme production de films, mais qui sont tous des courts métrages. Et donc c'est une purée de poids de films. Exploité par une purée de poids d'exploitants, distribué par une purée de poids. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une espèce de magma où tout le monde joue sa carte, mais où du coup, il est extrêmement difficile de faire reconnaître son produit. C'est-à-dire que vous faites un court-métrage, il va immédiatement se noyer dans la purée de poids. Sans jeu de mots, c'est le Far West. Sans jeu, c'est le Far West. Bon. Et donc, si on est passé au long-métrage de fiction, c'est pour plusieurs raisons. Une des raisons est remarquablement donnée par un historien américain qui s'appelle Tom Gunning, qui dit qu'il est beaucoup plus facile de tourner une fiction qu'un documentaire, parce que ça se prépare, vous pouvez tout prévoir. Documentaire, faut attendre l'événement, faut être là au bon moment, etc. La fiction, vous pouvez la programmer et puis vous pouvez l'organiser. Donc il y a un volet organisationnel de la fiction qui est extrêmement important. Et Tom Gunning a remarquablement montré cela. La deuxième raison, c'est que sur un long métrage, vous pouvez faire le pari qu'il peut rester un peu plus longtemps qu'un court métrage dans une salle et que donc du coup, vous pouvez faire plus de publicité pour lui parce que ça vaut le coup. Faire de la publicité pour un court métrage qui dure qui reste 2 jours à l'écran, personne ne s'y risque. Donc, l'émergence du long-métrage, elle tient à une loi de différenciation du produit par rapport à la concurrence. Et les stars vont permettre cette différenciation de produit parce que chacun va prendre sous contrat une grande star qui servira de porte-drapeau pour les films, sans qu'on ait besoin de raconter l'histoire. On dira juste, c'est un film dans lequel il y a Douglas Fairbanks. Bon, à ce moment-là, on y va parce qu'on aime bien Douglas Fairbanks senior, puisqu'il s'est du père. Le fils viendra un peu plus tard. Faisons juste une parenthèse avant de poursuivre l'histoire de la Triangle. Je dis bien de la Triangle et non pas du Triangle, il n'y a pas de faute de français là-dedans, de syntaxe. Les stars, elles n'arrivent pas tout de suite, elles arrivent rapidement dans l'histoire du cinéma. Elles arrivent... quasi immédiatement. Non. Non. Elles arrivent à partir du boom de 1907-1910, mais c'est absolument sidérant. C'est-à-dire que Chaplin est recruté, je crois, en décembre 1913. En 1914, il est déjà tellement célèbre que la concurrence le capte et que Sennett ne peut pas le garder parce qu'il a fait multiplier son salaire par 10, ce qu'il va faire tous les ans pendant 5 ans. Cet homme-là est tellement travailleur, tellement génial qu'il distance très vite les autres et qu'il émerge. Mais c'est la même chose avec Marie Astor, qui est une petite américaine extrêmement douée, intelligente, femme d'affaires, qui tous les ans renégocie son contrat avec les producteurs, en disant « je veux plus de liberté, je veux choisir mon caméraman, je choisis mon scénario ». Et ces gens-là, en 3 ans, deviennent des producteurs indépendants. Douglas Fairbanks est recruté en juillet 1915. En décembre 1916, il claque la porte en disant « je vais fonder mon propre studio ». Parce que sa compétence, sa connaissance du public, il a été acteur de théâtre auparavant, son intelligence des scénarios, des personnages, de ce qui plaît, etc., fait que il double tout le monde. Les producteurs, il n'a pas besoin d'un réalisateur, il n'a pas besoin d'un producteur, il sait très bien ce qu'il veut faire. Il fonde son propre studio. Griffith fait la même chose en 1917. Donc, les stars, elles arrivent très très vite, à partir de 1913-1914, parce que leur talent, et c'est pas pour rien que Marie Astor, Douglas Fairbanks et Griffith et Chaplin vont se retrouver en 1917 pour fonder une unité de production United Artists, qui n'est pas une unité, pardon, une unité de distribution. Ils sont chacun des producteurs indépendants. Donc à l'époque, vous êtes acteur, réalisateur et producteur indépendant. Donc les stars, c'est pas du tout une fabrication des studios, etc. Je dirais presque que c'est le contraire, c'est les stars qui ont fait les studios et que les gens sont débordés. Je veux dire, Sennett n'arrive absolument pas à garder Chaplin. Chaplin lui dit salut gars en quelques mois. La Triangle. Alors, La Triangle, donc, est une tentative qui naît en 1915, au printemps 1915, pour fonder une unité de distribution d'un programme cinématographique qui s'est constitué deux fois par semaine d'un long métrage et d'un court métrage. Un long métrage plutôt dramatique, un court métrage qui serait fait par Sennett et qui serait donc une comédie. Avec la tentative de réguler en quelque sorte la distribution des films, de façon à obliger les salles de cinéma à changer leur programme deux fois par semaine, de façon à ce qu'en amont, la production puisse elle-même être organisée pour fournir ce genre de choses. Cela sous-tend que ceux qui sont à l'origine de La Triangle, un, combien sont-ils, quel est leur profil, en tout cas partagent le même avis, le même point de vue. Tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a deux fois trois personnes. Il y a trois financiers qui sont Charles Bowman, qui est un homme qui a commencé dans le théâtre et qui est devenu producteur de cinéma. Adam Kessel Jr., qui est aussi un producteur. Et Harry Hinken, qui sont les financiers. C'est eux qui détiennent les unités de production et les finances pour faire les films. Et ils s'appuient sur trois autres personnes, qui sont David Griffiths, qui sont allés débaucher à la biographe, Max Sennett, lui aussi débauché à la biographe, et Thomas Innes, qui lui est chargé plutôt des westerns. Bon. Et ces trois personnes sont envoyées sur la côte ouest, dans un mouvement qui n'est pas unique de La Triangle, il a déjà commencé en 1912, parce que, encore une fois, sur la côte est, on ne peut pas tourner en hiver, il fait trop froid, c'est trop triste, c'est trop morne, et donc on est obligé d'envoyer les équipes en hiver, en Floride, à Cuba, à Hawaï, climat un peu plus clément, pour pouvoir continuer à tourner, et puis tout le monde revient à Fort Lee, ou à New York, pour le printemps et pour l'été. Et il y a des localisations dans le Colorado, dans le Texas, en Floride, etc., jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'Hollywood le fait assez bien. Pour des raisons d'économie également, les terrains sont très peu chers, ils sont même parfois donnés gratuitement. Il n'y a pas besoin de payer d'électricité puisqu'on a le soleil. Il n'y a pas besoin de payer des décorateurs ou des costumiers puisqu'on a des montagnes, on a de l'océan, on a du désert, on a des pins, on a tout ce qu'il faut. Bon. Donc économiquement, l'implantation dans la banlieue nord-ouest de Los Angeles est une très belle opération financière puisqu'on n'a pas besoin de chauffer. On peut construire un studio en mettant un plancher et un vélum pour tamiser la lumière, et on peut produire avec plusieurs équipes qui vont dans les collines au bord de l'océan ou au Mexique ou au Canada pour tourner simultanément, et donc on augmente la production et on augmente la diversité des choses. Donc c'est un projet extrêmement ambitieux qui, à mon avis, est aussi sous-tendu par un projet politique qui est de défendre la politique isolationniste, en quelque sorte, ou neutre de Woodrow Wilson à travers des fictions pour montrer que les Américains sont des civils pacifiques qui veulent s'occuper uniquement de leurs propres affaires, mais que si jamais on est trop les chatouiller sous les pieds, eh bien, ils sauraient se défendre. Donc on a beaucoup de fictions où on a un brave garçon qui veut rester tranquille chez lui et puis qui finalement est pris dans une lutte armée parce qu'il veut défendre sa famille, ses propres valeurs, etc. Et évidemment, c'est beaucoup articulé au Mexique, puisque le Mexique est extrêmement turbulent au sud des États-Unis pendant cette période, et que donc il y a toujours la question de savoir si Pancho Villa et ses copains vont pas traverser le Rio Grande pour faire une razzia, etc. Ou si il va pas falloir intervenir au Mexique. Donc on est dans une situation extrêmement instable politiquement ou internationalement. Et donc je pense que les financiers, Bowman, Kessel et Henken de l'époque, sont suffisamment proches de l'administration Wilson pour se dire, tiens, là, il y a peut-être un coup à jouer, on pourrait produire de grandes œuvres qui uniraient un peu l'opinion publique américaine et sur laquelle on pourrait jouer. Et donc, voilà, d'un côté, on a trois financiers qui sont new-yorkais, et de l'autre côté, on a trois chefs de chantier, en quelque sorte, que sont Griffiths, Innes et Sennett, qui, eux, sont implantés sur la côte, ils vivent à Los Angeles, ils s'ennuient mortellement, mais ils y vivent, pour surveiller la fabrication des films qui sont ensuite renvoyés à l'Est pour être développés, finalisés, colorisés. On a oublié que le cinéma, à l'époque, est un cinéma en couleur. Birth of a Nation est un film en couleur. Nous le voyons en noir et blanc. C'est un film en couleur, qui a été conçu pour de la couleur, avec des scènes de nuit pour que ça soit bleu, avec des incendies pour que ça soit rouge, et avec des aubes et des crépuscules pour que ça soit rose à l'aube et orange. Donc les gens voient des films en couleur. On a oublié ça. parce que le report des copies fait qu'on a perdu le tintage et qu'on ne voit plus que ce film. Or, Griffith pense en couleur. Marc Vernet, quand un nouveau médium apparaît dans l'histoire des médiums, souvent les débats portent autour de l'inquiétude, justifiée, légitime ou pas, de le prochain va tuer le précédent. On l'a dit par rapport à la télévision vis-à-vis du cinéma, on l'a dit Est-ce que ces débats ont lieu, sachant que justement ces industriels, ou ces financiers plutôt, qui viennent de la scène, qui viennent de Broadway, qui sont intéressés au théâtre, pour certains, se disent il risque d'y avoir du sacrifice ou... Alors il y a beaucoup de débats à l'époque, mais là aussi il faut un peu distinguer, parce que dans les premiers producteurs de cinéma, beaucoup sont d'anciens exploitants. C'est-à-dire que ce sont des gens de cinéma au départ. Alors au départ, c'est pas des gens de cinéma, c'est des fourreurs, des vendeurs de gants, des épiciers qui transforment leur local en salle de cinéma parce qu'ils s'aperçoivent que ça rapporte mieux que... Bon. Donc il y a cette partie-là. Et puis, il y a la partie traditionnelle, c'est-à-dire les gens de théâtre, qui sont des producteurs de théâtre, qui sont des gestionnaires de salles de théâtre, qui sont des patrons de troupes de théâtre, par exemple. Et il y a de grands débats. Par exemple, on a peur que le cinéma siphonne les acteurs de théâtre parce qu'ils payent mieux. Ils payent mieux parce qu'il faut les expatrier dans un endroit où c'est pas très marrant. Bon, y a ces débats. Mais en même temps, comme le cinéma manque de compétences, il s'appuie énormément sur le théâtre. Et que les producteurs de théâtre sont pas fous. Comme ils projettent des films dans leur salle, ou comme il y a des scénettes de théâtre, ils mettent tout de suite la main au portefeuille pour coproduire. Et une des erreurs de la Triangle, c'est d'avoir pensé pouvoir faire abstraction de cette alliance-là. Tous les autres concurrents de la Triangle s'appuient sur le monde du théâtre. Quelle expertise des troupes, quelle expertise des talents, quelle expertise de l'écriture, quelle expertise de la publicité, du public, etc. Et si la Triangle se casse la figure très vite, c'est qu'elle ne sait pas gérer ses salles. Elle est obligée d'aller chercher quelqu'un extérieur au monde du cinéma pour l'aider. Mutual, qui est un des grands concurrents de la Triangle à l'époque, aussi une agence de distribution, avait fait la même chose. Encore une fois, le boom cinématographique prend en quelque sorte de cours les corps de métier du cinéma qui sont obligés de s'appuyer. C'est pour ça que je dis que le premier Hollywood, c'est Broadway. Parce que c'est une mine de producteurs, de talents, d'auteurs, de régisseurs, de costumiers, de décorateurs. Des faits éprouvés, qui ont une vraie compétence et qui savent absolument gérer cela. Et qui, évidemment, donc il y a un double mouvement, c'est ce que j'essaie aussi de montrer dans le cours du livre, qui est à la fois de siphonnage du théâtre par le cinéma, qui en prend l'expertise, la mise en scène, etc., etc. Bon. Et qu'en début, on est extrêmement proche, puisque c'est pratiquement que du théâtre filmé, et puis qui, en même temps, le dépasse. Et le passage à Hollywood, c'est le passage sur la côte ouest, fait partie de ce dépassement du théâtre pour avoir notamment des décors naturels. Au théâtre, vous avez une toile peinte qui bouge pas. Et donc, si vous pouvez faire chevaucher 20 cavaliers à travers des collines, vous avez un effet de réalisme et de spectaculaire beaucoup plus grand qu'au théâtre. S'il y a tellement d'explosions et d'incendies dans les films de l'époque, c'est parce que vous ne pouvez pas vous le permettre au théâtre. Vous ne pouvez pas faire brûler le public, d'accord ? Et la raison pour laquelle les studios se mettent à l'écart des grandes villes, c'est parce qu'ils ont besoin de pyrotechnie. Ils ont besoin de faire sauter des ponts, ils ont besoin de brûler des bâtiments, parce que c'est spectaculaire et que ça ne se voit nulle part ailleurs. Thank you. Histoire vivante, cette semaine, Hollywood. Marc Vernet, au total, la Triangle aura été combien d'années d'existence ? Alors, c'est très très difficile à dire. La Triangle originelle, celle qui naît officiellement en juillet 1915, elle meurt en novembre 1916. Un peu moins d'un an, d'accord. Tout simplement parce qu'ils ont emprunté 500 000 dollars à des banquiers qui sont incapables de rembourser capital et intérêts. Donc très vite, ils se font racheter parce qu'il faut quand même, les banquiers attendent 6 mois de plus. Hein, au bout d'un an, ils disent quand même, on vous a prêté 500 000 dollars. Ils sont incapables de faire rentrer l'argent dans les caisses. Et donc ça change, mais ça continue avec une branche de distribution et une branche production. Mais ça dure pas très très longtemps parce qu'en 1917, les États-Unis rentrent en guerre. Donc la politique de neutralité bat de l'aile et Griffiths décide très vite de partir. Douglas Fairbanks quitte la Triangle en décembre 1916 si ma mémoire est bonne, et puis il sera très vite suivi par Sennett et par Ince, qui ne se reconnaissent plus non plus dans ce dispositif parce que le patron a changé. C'est plus leur financier habituel, c'est quelqu'un qui s'appelle Hodgkinson qui a pris les rênes de la chose, et donc c'est la débandade. Et donc la Triangle continue encore en 1917, un peu en 1918 et cesse toute activité réelle en 1919. Mais elle est morte sur ses origines, enfin sur le cadre d'origine, elle est morte en novembre 1916, donc quelques mois après. Alors, il reste un livre publié chez Armand Collin, dont vous êtes l'auteur, Marc Vernet, Ainsi naquit Hollywood, sous-titré « Avant l'âge d'or, les ambitions de la Triangle et des premiers studios ». Pourquoi donc faire un ouvrage, passer du temps? On va travailler, on va s'intéresser aussi après avec vous sur ce qui vous a permis de l'écrire, les archives, les données. Faire un bouquin sur quelque chose d'aussi éphémère, d'aussi volatile. Alors c'est une très bonne question et la réponse n'est pas ni courte ni simple. La première raison, elle est toute bête, c'est qu'il existait à la Cinémathèque française un fonds d'archives qui s'appelait le fonds Triangle, dont tout le monde me disait que c'était un fonds extrêmement important, 95 boîtes, qui n'avait jamais été exploité par des historiens ou par des chercheurs. Et comme moi, j'étais proche de la Cinémathèque à l'époque, je dirigeais la bibliothèque du film, mais j'étais le patron. J'avais pas le temps de travailler sur les archives. Donc quand je suis revenu à l'université, on m'a dit « qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai dit « je vais travailler sur les archives ». La deuxième raison, c'est que cette période qu'on appelle la période intermédiaire, c'est entre le cinéma primitif, les courts-métrages, etc. Et puis, le système des studios qui se met en place à partir des années 20. Cette période-là, entre 1910 et 1920, est une période très confuse, très compliquée, donc très peu étudiée. Et je me suis dit, bon, tiens, c'est intéressant d'aller regarder un peu ça. Et puis, il y avait quand même cette renommée de la Triangle, dont tout le monde disait toujours la même chose. Ça tournait un peu en boucle et ça disait pas grand-chose. Donc, je me suis dit, tiens, ça vaut peut-être le coup d'aller gratter cela et d'aller voir ce qui s'est réellement passé. La découverte, c'est que je pensais faire une monographie sur la Triangle, mais je me suis aperçu qu'il était impossible de parler de la Triangle sans parler de tout le reste. C'est-à-dire de la concurrence avec les autres studios, de la compétition entre les superviseurs. Ince et Griffiths sont en compétition tous les matins. Mais dans une compétition qui est une compétition d'homme à homme, si on veut, etc. Mais qui est aussi une formidable source d'inventivité et de créativité. C'est-à-dire, c'est à qui inventera, à qui dépassera l'autre. C'est du brevet à tour de bras? Non, c'est pas du brevet. C'est de l'acquisition de matériel littéraire et de la formation de personnel qualifié pour pouvoir déléguer facilement et créer. Et je dois dire que là, Ince réussit mieux que Griffiths. Griffiths est plus sur ses œuvres à lui, Birth of a Nation dans un premier temps, puis Intolérance. Ince est beaucoup plus un industriel, un entrepreneur, quelqu'un qui construit ses studios, qui les rénove en permanence. Griffiths ne s'occupe absolument pas de ça. Il s'installe dans un vieux studio, il le laisse tel quel, il n'y change rien. Donc ce sont des gens qui sont à la fois des entrepreneurs, des compétiteurs, très très à l'écoute de ce qui se fait, et la compétition par exemple à quelqu'un comme Cécile B2000 qui lui est chez Lasky Zucker. Cécile B2000 un jour fait un feu de camp et filme de nuit, le lendemain tout le monde filme de nuit, mais le feu à un village entier pour faire plus grand que le feu de camp de Cécile. Donc il y a une émulation technique et artistique qui est formidable, et les choses changent très très vite, puisque quand mon étude commence, le cinéma est un cinéma mécanique, on tourne à la main, on se promène à cheval. L'électricité est très peu présente. Sauf que 2 ans après, on installe des générateurs d'électricité, parce qu'il n'y a pas de distribution locale, etc., et on se met à tourner en studio. Donc Ince passe en quelques années d'un tout petit studio à Edendale, un Santa Ynez Canyon où il a 7000 hectares pour tourner ses cavalcades, un Culver City dès la fin 1915 où il fait construire un studio entièrement neuf qui est de la préfiguration des très grands studios qu'on trouvera dans les années 20 un peu plus tard. Quand on est, Marc Vernet, dans les boîtes d'archives, quel plaisir. Mais est-ce qu'on arrive à lire au travers des archives ce dont vous parlez là en arrière-plan, qui est l'énergie, l'extraordinaire dynamisme de ce temps-là? Alors, pas tout de suite. Moi, j'ai mis quelques mois avant de comprendre ce que je lisais. Je dis ça très gentiment, mais c'est vrai. Parce que c'est des noms dont on ignore tout. Qui se souvient de Reginald Barker? Qui en a jamais entendu parler. Bon, Reginald Barker, c'est le bras droit de Thomas Innes. C'est un réalisateur. C'est un très, très grand réalisateur qui fait de très, très bons films avec d'excellents directeurs de la photo qu'on retrouvera un peu plus tard. Hein, Joseph August, par exemple, qui travaillera avec John Ford. Ce sont des gens extrêmement compétents dont on a tout oublié. Donc, travailler dans ce cadre-là, effectivement, moi, j'ai un peu ramé, n'allant d'un nom, je connaissais même pas la géographie, quand on me disait c'est là, je me disais c'est où, donc il fallait que j'aille chercher. Bon. Mais assez vite, comme ces gens sont des fous de travail, on n'a pas, Quand le plaisir est là, hein. Quand le plaisir, mais on est quand Griffith fait un film tous les deux jours. Le troisième jour, il est sur un autre film. Bon, donc ça vous forme. Quelqu'un comme Innes est un travailleur, mais il n'arrête pas, quoi. Quand il rentre chez lui le soir, alors il a une maison à Hollywood, lui il vit à Hollywood, mais le studio est après Palisades, là, au nord-ouest. Il rentre avec sa voiture, très souvent il tombe dans le fossé parce qu'il est fatigué, il s'endort au volant. Et quand il rentre chez lui, il va dans la cuisine et il visionne ce qui a été tourné dans la journée. Et on commence le lendemain matin. Donc ces gens-là ont une capacité de travail et d'inventivité et de créativité qui est extraordinaire. Chaplin, c'est étonnant. Les progrès, quand vous regardez les films de Chaplin dans la succession, ou quand vous regardez les courts-métrages de Griffith dans la succession, vous voyez que ces gens-là travaillent de jour en jour. Dès qu'ils cherchent, ils trouvent, paf, hein, et au bout de X temps, ils ont la bonne formule. Alors on va allumer la torche électrique. On peut imaginer que vous êtes muni pour descendre, ouvrir ces boîtes. Qu'avez-vous découvert, Marc Vernet? Qu'y a-t-il à l'intérieur de ces boîtes? Devant quoi vous êtes-vous trouvé? Ben, y a une naissance ou des naissances. Il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est l'industrie cinématographique américaine. À l'époque, qui part de cette purée de poids dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de gens qui sont extrêmement nombreux à tous les étages, de la production, etc. Et par exemple, moi j'ai découvert une formidable bagarre entre les producteurs, les distributeurs et les exploitants, où chacun cherche à avoir la main, en disant « mais c'est moi qui donne les ordres ». Et donc on a des renversements en 1917, First National, premier syndicat en quelque sorte professionnel d'exploitants au plan national, se constitue en distributeur, et recrute en exclusivité Charlie Chaplin, producteur indépendant, pour lui fournir les films qui feront rentrer de l'argent dans les caisses. À un tarif qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Donc il y a ça, il y a une formidable créativité. Et puis, bon, moi ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est l'inscription d'Hollywood dans un contexte politique dont on ne peut pas donner la preuve. On n'a pas de traces d'ordre de Woodrow Wilson ou de son administration disant « faites-moi des films, machin ». Mais on voit bien que cette production cinématographique est au service d'une nation et au service d'une politique nationale, voire nationaliste, et puis plus tard internationale. Donc, si vous voulez, il y a cet état de naissance. Hein, c'est un célèbre psychanalyste, Carl Abraham, qui parlait de ça, l'état de la naissance, c'est-à-dire le moment où les choses sont en train de se former, mais n'ont pas encore trouvé leur forme. Et les archives. Alors les archives, elles sont plusieurs, les archives. Et c'est aussi, on peut travailler aujourd'hui comme on ne pouvait pas travailler il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Parce que les archives, c'est à la fois les archives des sociétés de production, les archives de la Triangle, qui sont un peu partout dans le monde. Hein. Il y en a à Los Angeles, il y en a à Madison, il y en a à Washington, il y en a à New York, il y en a à Paris. Livre de projet, livre de compte. Tout. Enfin non, il n'y a pas les contrats. Je n'ai pas réussi à remettre la main sur les contrats, sauf un. Mais et là, ce sur quoi j'ai essentiellement travaillé, ce sont des archives de Inns, parce que Inns est mort très jeune et n'a pas eu le temps de s'occuper de ses archives. Donc elles ont été rachetées par du privé, alors que les autres sont à Los Angeles, à la Margaret Herrick Library, où elles sont au moment où Griffith, il a déposé de lui-même ses archives. Donc on a de tout, mais on a essentiellement le scénario d'origine, le découpage, et le découpage dans sa forme définitive, parce que Inns ne conservait pas les versions provisoires, et ce découpage va du producteur au monteur, parce que c'est un outil de travail où chacun note ce qu'il désire ou ce qu'il a à faire. Donc par exemple, les découpages ne sont pas simplement des découpages techniques, ce sont des découpages où le producteur dit aussi ce qu'il veut dans l'image. Par exemple, il dit « je veux pas de coton pour la neige, je veux de la vraie neige ». Donc vous allez à telle montagne et vous me filmez de la vraie neige, je veux pas moins de 240 vaches dans le plan. Donc il donne ses exigences, et le département de scénario dit ses exigences en matière narratif, etc. Ça passe sur le tournage où on note manuellement ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Ils ont interdiction de changer. Ils doivent demander l'accord du superviseur pour changer un plan, par exemple. C'est un système de délégation, mais très surveillé. D'accord. Et tout le monde note ce qu'il a fait. Est-ce que le plan est dans la boîte ou est-ce que le plan n'est pas dans la boîte? Est-ce qu'on a supprimé? Est-ce qu'on n'a pas? Est-ce qu'on a substitué? Est-ce qu'on a fait plusieurs prises? Par exemple, ce que vous apprenez, c'est qu'à l'époque, les gens tournent une prise, une seule. Ça veut dire qu'ils ont énormément répété auparavant. Donc c'est pas du tout un cinéma de l'improvisation de youpla boum machin bille. Ce sont des gens qui travaillent énormément, qui préparent en amont, de façon à pas avoir de raté dans la chaîne de production, parce que si vous avez un problème au tournage, vous allez avoir un problème dans la distribution, parce que le film n'arrivera pas à attendre, etc. Donc il s'agit de programmation intelligente des choses. Si vous souhaitez découvrir l'ouvrage, sachez donc que le bouquin de Marc Vernet, Ainsi naquit Hollywood, qui est paru aux éditions Armand Collin, contient également, non seulement de précieuses lignes dont nous venons de parler, mais également une assez grande richesse iconographique. On en dit un mot, Marc Vernet, parce que je pense que vous avez dû insister pour que... Pas du tout. Pas du tout, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait très naturellement pour une raison très simple. C'est que... Des comme images je parle, magnifiques. Hein. Oui, tant mieux, merci. Avec un privilège énorme, c'est que dans le droit américain, avant 1925, tout ce qui concerne le cinéma est de domaine public. Youhou. Donc il n'y a plus de problème de droit et de publication, donc on a pu bénéficier de ça. Mais j'ajoute quelque chose à ce que je disais tout à l'heure à propos des archives. Il n'y a pas simplement les archives des sociétés de production ou des studios. Il y a aussi aujourd'hui tout ce qui est numérisé. Et moi j'ai pu travailler sur des revues d'époque, qui sont des revues professionnelles, qui sont aujourd'hui entièrement numérisées, que je peux chez moi appeler du bout des doigts et consulter à l'envi. La plupart des très grandes revues professionnelles de ces années-là sont entièrement numérisées dans une très très grande qualité avec des moteurs de recherche. Donc vous pouvez vous pencher sur l'évolution de la publicité, sur les débats professionnels de l'époque, sur le matériel de projection, sur le matériel de tournage. Bon, c'est une mine qui n'était pas à notre disposition il y a 10 ans et qui aujourd'hui vous permet de travailler dans des conditions absolument... Ça demande du temps, mais moi je trouve ça passionnant. Donc c'était, vous voyez, deux sources d'archives. Il y a les archives nées du cinéma en tant qu'industrie, et puis tout ce qui tourne autour des revues de l'époque où les professionnels débattent entre eux de qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on demande une augmentation des taxes, est-ce qu'on milite pour une diminution des taxes. Vous voyez, il y a tous ces débats-là qui sont présents page à page, semaine par semaine, dans toutes ces revues. Merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci de m'y avoir invité. Demain, la suite de notre semaine consacrée à Hollywood, nous serons en compagnie de l'historienne Nolwenn Mingan.